L'Institut mondial du Canada a soutenu le 16 dans son homepage d'Internet la juste cause du peuple coréen dans son numéro titré « La nouvelle sanction contre la Corée est justement un acte de guerre ».